Chapitre 17e, après bien des années. Le rêve de Godfrey Pierpoint s'était réalisé dans l'année qui avait suivi la mort d'Arthur Holroyd, et d'autres enfants jouent maintenant dans le vieux jardin à l'ancienne mode, qui n'est séparé que par un mur bas des tombes cachées et oubliées du cimetière. Les vergers et les jardins de la ferme sont les lieux favoris de récréation des enfants du château. Les chers petits aiment mieux les pommes de ces vieux espaliers que n'importe quel fruit poussé dans les serres du plus beau domaine. Ils préfèrent la pelouse verte et les fleurs des cottages, les deux Williams et l'orgueil de Londres, les giroflées et les mignonnettes, et les glorieuses passe-roses qui ont été la principale joie de leur grand-mère à toutes les grandeurs du château de Plaisance, où de majestueux pans poussent des cris aigus en les apercevant, et où de graves jardiniers paraissent malheureux si quelques feuilles éparses sont tombées sur l'allée bien sablée. Heureux enfants, tous les dons de la fortune tombent comme une pluie d'or sur leurs belles et jeunes têtes. Heureux enfants, dont le nom, dans le pays où ils sont nés, est synonyme de noblesse et d'honneur. Heureux enfants, tout autour d'eux, il y a une atmosphère d'amour dont la brise est si douce que leurs jeunes figures semblent encore exprimer le bonheur des anges qui ont souri sur eux dans leurs rêves enfantins. Et pendant que les enfants jouent dans les jardins de la ferme, Marcia et Godfrey vont quelquefois à Londres. Car le nom de Pierpoint est devenu une puissance dans les rangs les plus avancés des conservateurs anglais. Et plus d'une fois, dans le courant de chaque session, Sir Gaspard Denison a le plaisir de lire quelques grands discours de son gendre commentés dans son Times favori. Godfrey a en vérité commencé une nouvelle vie. L'amour, l'ambition, le succès, toutes les brillantes fleurs qui couronnent l'existence fleurissent maintenant pour lui. Quelquefois, il s'imagine dans un rêve être sur les bords brûlants du Nil et s'éveille avec une terreur fiévreuse en se souvenant de sa jeunesse désolée pour remercier Dieu du bonheur de son âge mûr. Et lorsque la session est finie, qu'il est libre de revenir près de ses enfants à Pierpoint, le grand voyageur africain du passé, le sérieux sénateur du présent, est transformé tout à coup en voyageur enfantin, au cœur le plus léger qui soit jamais parti pour le Nord en train express. Dans les jardins de la ferme où il jouait dans son enfance, il joue maintenant avec ses enfants et est couché sur le gazon, les derniers rapports parlementaires sous son coude. Il est troublé par de jeunes enfants vacillants aux cheveux blancs et fins, qui insistent pour qu'on les emmène à Banbury Cross, et dont les yeux brillent à l'idée d'aller à la poursuite de cette célèbre famille de cochons dont on mène les membres au marché. Est-il nécessaire de dire que les pauvres de Pierpoint se réjouissent de la résidence de leur seigneur parmi eux et du tendre cœur de sa femme, ou que le château est une terre promise dont le lait et le miel débordent sur les paysans d'alentour? Il y a des dames d'esprit fort dans le voisinage qui menacent Marcia des effets terribles qui vraisemblablement naîtront de ses charités sans discernement. Mais Marcia répond que si elle attendait qu'elle trouvât des gens sans faiblesse pour recevoir ses bienfaits, elle ne donnerait jamais à personne. « Je suis très fâchée que James Price n'assiste pas aux deux services, mademoiselle Harlock, » répondit-elle à une importune dame. « Mais j'entends dire qu'il est un bon mari et le plus affectionné des pères, et que son assoupissement après dîner est réellement constitutionnel. Ainsi, je ne vois nulle raison pour lui retirer le lait frais que l'on donne à ses enfants à la laiterie du château. » Madame Pierpoint a un allié fidèle dans son aumônier particulier, M. Silbrook, auquel le bénéfice de Pierpoint a été accordé à la mort du vieux titulaire. Il vint alors dans le comté de York, bien aise de retourner à son ancien esclavage, et aussi heureux de servir Madame Pierpoint qu'il l'avait été de suivre les pas de Mademoiselle Denison. Il l'aimait toujours, mais dans son âme, l'amour est une flamme si pure qu'elle brûle aussi soumise et aussi constamment radieuse que la lampe éternelle sur un autel catholique romain. Sir Gaspard vient souvent à Pierpoint, et il prend ses quartiers dans la maison de ville de son gendre lorsqu'il a l'occasion de suivre une bande de Christie. Il aime étonnamment ses petits-enfants, à un bon point de vue. « Mettez-les au niveau de mes yeux, de manière qu'un rayon de lumière venant du nord-ouest tombe sur eux. » disait-il avec insistance en tendant les petits-enfants à leur nourrice. Oui, tout à fait semblable à Sand, très transparent et très perlé. Je ne serais pas surpris que ce garçon, en se développant, devienne Gainsborough, et s'il le fait, je lui laisserai toute ma fortune. Vous ne le laisserez pas déplacer Mizetti lorsque je n'y serai plus, après ma mort, n'est-ce pas, Pierrepoint? Je pense que je m'agiterai dans mon tombeau si quelque malheureux mettait ma psyché dans un mauvais jour. Avec les enfants, dans les jardins de la ferme, il y a quelqu'un qui n'est pas une servante et cependant pas tout à fait une gouvernante. Une gentille et bonne créature qui idolâtre le petit monde avec lequel sa vie s'écoule spécialement, qui est très capable d'appeler Madame Pierrepoint Mademoiselle Marcia, et à laquelle les domestiques du château s'adressent respectueusement comme à Mademoiselle Thursgood. Le couronnement de la pauvre Dorothée s'était terminé tout à coup dans une sombre obscurité. Elle savait que le verdict du jury, qui avait flétri Gervase Cawthron du nom de meurtrier, était une juste décision, et chaque nuit, dans ses prières, elle remerciait Dieu qu'il eût échappé à la main du bourreau, et demandait que son repentir pût être reçu par la miséricorde divine. Il échappa au bourreau. Un autre homme, plus soigneux de sa vie, s'entourant de précautions, prenant mille détours pour se conformer à quelques plans profondément conçus pour tromper la justice, serait tombé dans les serres de ceux qui le poursuivaient. Gervase Cawthron, sans se soucier le moins du monde de sa malheureuse existence, et en fuyant aveuglément, plutôt dans le fol espoir d'échapper aux remords de sa conscience que dans l'idée d'éviter les conséquences de son crime, vint à bout de dérouter les habiles agents de la police de la métropole et ses plus déterminés affidés en province. Il quitta Roxborough par le train de la Malle, la nuit même du meurtre, et se rendit droit à Liverpool par le premier express le lendemain matin. Le hasard, en le poursuivant, lui, qui se souciait peu de son existence, puisqu'il n'avait jamais favorisé l'homme, dont la plus vive espérance est de préserver sa vie, lui offrit une occasion immédiate de fuir l'Angleterre. Un des steamers de la compagnie Cunard partait le jour même de son arrivée pour New York, et Gervase, avec un porte-manteau de vêtements tout faits, acheté à un juif dans un quartier isolé de la ville, s'y embarqua. Le juif apprit vite le meurtre de Scardale et les numéros des billets qui manquaient. Il compara ces numéros avec ceux qu'il avait reçus du pâle voyageur qui avait acheté ses effets avec tant de hâte. Le marchand israélite envoya les billets suspects à l'étranger et se garda de parler de la visite de Cawthron à son établissement. Les recherches de la police de Liverpool furent vaines pour trouver la clé des mouvements du lieutenant. Les papiers qu'elle examina dans les bureaux du courtier maritime n'offrirent nulle preuve assez évidente pour justifier une action. Ainsi, l'agent qui s'était occupé de cette affaire revint à Londres dérouté et mécontent pour être envoyé à Leeds pour suivre une grande affaire de fausse monnaie qui promettait d'être encore plus importante que le meurtre de Scarsdale. Dorothée avait 23 ans et Godfrey et Marcia étaient mariés depuis 5 ans lorsqu'il parut dans la correspondance américaine des journaux de Londres un récit de la mort d'un pauvre diable mort de faim qui avait gagné misérablement sa vie comme chevalier d'industrie en jouant aux cartes et en marquant les points au billard dans les plus mauvais lieux de New York et qui, à son misérable lit de mort, confessa qu'il était le meurtrier d'Arthur Holroyd. Sa confession avait été dûment attestée par les autorités qui furent appelées à sa propre sollicitation et les termes mêmes de sa confession furent rendus publics. « Il avait offensé moi et les miens, » dit le mourant. « Je le détestais. J'étais fou et désespéré par l'extrême besoin que j'avais d'une certaine somme d'argent. Et je savais qu'il avait sur lui 6 fois cette somme, et que l'argent qu'il avait en sa possession aurait dû m'appartenir. Je ne réfléchis pas beaucoup à ce que j'allais faire. Mais je mis un pistolet chargé dans ma poche. Je m'en rendis dans le bois où je savais qu'il devait passer, et je me couchai tranquillement dans les fougères en l'attendant. Lorsque j'entendis les sabots de son cheval, je me levai, et me traînait vers un banc qui dominait la route. De ce banc, je le visais. Il poussa un gémissement et tomba de son cheval. Je trouvai l'argent dont j'avais besoin dans la poche de son gilet, la seule de ses poches que je touchais. Je n'attendis pas pour voir s'il était mort, et je retournai à Castleford, où j'avais quelques affaires à terminer. De là, j'allai à Roxborough, où j'atteignis la station 3 minutes avant le départ du train de la Malle. Pour Dorothée, ce fut une très triste histoire, mais elle avait appris à se consoler un peu en espérant que son amant mourrait repentant. Et quoique les jolies fossettes et les sourires de ses 18 ans aient abandonné la gentille jeune femme de 23 ans, ils peuvent revenir plus tard, lorsque l'ancienne blessure sera cicatrisée, et un nouveau bonheur peut sortir pour la pauvre Dorothée des cendres de la mort. On peut tout espérer du cœur brisé d'une jeune personne de 23 ans. Dorothée va une fois l'an dans le sud pour voir sa famille, et dans ces occasions, elle rencontre toujours sa cousine Célina et le plaisant Dob, mais elle ne se soucie pas d'aller trop près des villas Amanda, où le souvenir de son amant perdu lui ferait souffrir de trop cruelles angoisses. Les Dob sont heureux, car le sévère Sloper a découvert, par une triste expérience, qu'il n'y a pas beaucoup de commis aussi travailleurs et aussi fidèles que Henri Adolphe. Et le repentant Dob a pris très profondément à cœur la leçon de sa jeunesse, et il s'en souvient aussitôt qu'il est disposé à faire un pacte avec le démon insensé qui voudrait l'entraîner dans quelque aventure de sport et le faire revoir ses anciennes connaissances de Farringdon Street ou de la taverne de Peter Paper. Sloper et Hallyday ont augmenté ses appointements annuels de 30 livres sterling, et dans les réunions du dimanche soir, les mets froids, cuits chez le boulanger, sont plus fréquemment attaqués que dans l'ancien temps, pendant que le Tippity Widget et le Hot Codlins de Dob ressemblent plus à des choses réelles que jamais. Et pendant que le bonheur domestique règne aussi bien parmi les splendeurs du château de Pierrepoint que dans les pièces basses des villas Amanda, une pensionnaire de la générosité de Godfrey Pierrepoint hante les petits tripots allemands et perd ses petits enjeux à une table de maison de jeu de troisième ordre. Son nom est Léonora Fane, et elle vit avec 100 livres de rente qui lui sont envoyées par portion tous les 3 mois par l'homme d'affaires de Godfrey, car Marcia et son mari veulent mettre à l'abri cette malheureuse femme de la nécessité de commettre des fautes. Elle accepte cette charité assez grossièrement et déteste le donateur, et si en allant et venant dans les endroits où elle traîne sa misérable existence, elle entend parler des triomphes parlementaires de Godfrey Pierrepoint ou des grâces sociales de sa femme, sa figure de spectre se contracte spasmodiquement, et son faux sourcil s'abaisse plus bas sur ses yeux noirs en colère. C'est une esclave attachée aux roues du char de Némésis, et la déesse de la vengeance semble peinée d'avoir perdu toute influence sur sa victime. Pour les femmes qui ont péché et souffert, la mort vient quelquefois sous la forme d'une amie tendre et compatissante, qui les délivre des liens de leur captivité. Mais la mort ne veut pas de Léonora Fane. Son jour de repentir et de délivrance est encore à venir. Ainsi s'achève Le locataire de Sir Gaspard par Marie-Elisabeth Braddon.